Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Alors, bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet 94.2 FM. Aujourd'hui, je suis au Château d'Essée en présence de Madeline et Françoise Guiani. Mère et fille. Et Aline Floquet, toutes les trois artistes peintres. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci. Ouais. Alors aujourd'hui, avant, vous allez nous parler de votre art, mais est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours personnel, professionnel, avant de parler de votre situation d'artiste, de vos œuvres ? Madeline, vous voulez commencer ? Oui, si vous voulez. Donc, je suis Madeline Gianni, j'ai 45 ans et je peins depuis toujours, depuis toute petite. J'ai toujours dessiné. Je fais une peinture à la base plutôt figurative, qui est plutôt narrative. Et puis, depuis quelques années, je me suis tournée vers des motifs décoratifs d'inspiration moldave, roumaine. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, attendez. Donc, vous êtes, je vous imaginais plus jeune, hein, c'est marrant, même oui. Physiquement. C'est gentil. Et vous, c'est votre activité complète, la peinture ? Non, je suis professeur d'art plastique. Vous êtes, d'accord, oui, c'est vous restez dans aussi. L'univers. Oui. Donc vous avez une formation quand même dans les arts plastiques, j'imagine ? Non, c'est un don qui m'est arrivé, comme ça, je pense, un don de ma maman. Oui. J'ai toujours su dessiner, je n'ai pas appris, j'ai pas pris de cours. D'accord. Comment vous êtes devenu prof alors ? Ben, j'ai fait la fac d'art plastique. Ah d'accord, voilà. Il y a quand même une formation. Oui. Mais c'est pas là qu'on m'a appris à dessiner. Oui, vous aviez c'était déjà beaucoup théorique, d'histoire de l'art, philosophie de l'art, théorie de l'art. Voilà. D'accord, super. Et vous enseignez en lycée, en collège ? En collège, tous les niveaux. Collège ? C'est la 6e à la 3e. La 6e à la 3e, d'accord, super. Bon, ben, c'est génial. Et alors, Madeline, vous êtes la fille de Françoise, qui est aussi artiste, qui est à très doué également. C'est peut-être votre maman qui vous a transmis... Oui, je pense que c'est un don génétique. Parce qu'on a un don, le don. Un don génétique. Parce que toi, François, je crois que tu as été primée, tu as reçu des prix aussi. J'ai déjà eu des prix au début, quand j'ai commencé, oui. Ouais. J'ai eu le deuxième prix à l'Open des Arts de Villers en 93 ou 91, je ne sais plus. Oui, puis un autre, oui, en 91, j'ai commencé, c'était le cinquième prix, toujours à l'Open des Arts. Et puis en 93, je crois, j'ai eu le deuxième prix. Je suis plus, elle avait beaucoup de tableaux. Et toi, ton domaine d'activité, c'était les arts plastiques aussi ou c'était J'ai jamais étudié, moi. Non, t'as jamais étudié ça. Non, je suis autodidacte, c'est venu comme ça. Je faisais partie de Villers-les-Nancy, enfin les peintres de Villers-les-Nancy. On m'a donné la liste des tubes de peinture à acheter. Puis bon, j'ai peint avec d'autres artistes là-haut, mais ils ne faisaient pas comme moi de toute façon. Donc je me suis débrouillée toute seule, puis après je me suis lancée toute seule. D'accord. Et au niveau carrière professionnelle, tu étais dans quel domaine ? Dans le dentaire. Dans le dentaire. Oui, j'ai commencé assistante dentaire, puis prothésiste dentaire. T'as pas fini dentiste, donc commence pas. C'est d'autres études. D'accord. Donc, assistante dentaire, d'accord. Donc plutôt un métier administratif. Manuel, pardon. Manuel, l'assistante. En tant qu'assistante, je faisais les appareils d'orthodontie. D'accord. Ouais. Mon patron, ami de la famille, m'a appris à faire tout ça. Quoi. D'accord. Ok, donc, et cet univers des arts plastiques, quand même, toujours présent en toi ? Oui, j'ai toujours aimé aussi dessiner, même quand j'étais jeune, en primaire. J'illustrais mes rédactions, mes dictées. C'est venu comme ça. D'accord. Alors, toutes les trois, aujourd'hui, vous exposez en compagnie d'Aline Floquet. D'accord. Alors, Aline Floquet, par rapport à vous, c'est qui ? C'est une amie d'enfance. C'est une amie d'enfance, oui, d'accord. Voisine de quartier. On est de Villenoy. On allait à la même école. À la même école, ouais. D'accord. Hein, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que toutes les trois, vous êtes des artistes locales. Oui, oui. Hein, vous êtes d'où ? Villenoy. Toutes les trois de Villenoy. Ah, plus maintenant, elle, mais... Je suis sur Malzéville maintenant, elle a grandi à Villenoy. Vous avez grandi à Villenoy. Vous êtes tendrement éloigné, disons. Mais c'est un grand voyage jusqu'à Malzéville. D'accord. Alors, Aline, vous aussi, vous peignez, vous proposez chacune, hein, ce qu'il faut préciser quand même, c'est vous avez chacune des univers complètement différents. Oui, oui. Hein, oui. On reviendra dessus dans la seconde partie. Mm-hmm. Mais Françoise, toi, tu as un univers très figuratif. Oui, oui. Hein. Madeleine, c'est plus... décoratif, en fait. Décoratif. Et Aline, comment vous décrivez-vous? Abstrait. Abstrait, voilà. Et expressionniste. Expressionniste. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'expression dans son dessin et dans sa peinture. Oui, ça exprime... on sent des émotions. Mm. Et des émotions... très agréable, je trouve. Ah bah tant mieux. Non, c'est je laisse chacun y voir, ressentir ce qu'il ressent sur le moment, mais c'est dans le but là que moi-même je peins, en fait. Ouais. Et ça fait, alors vous avez accroché un petit mot, oui. Ça fait une dizaine d'années, oui. Que vous peignez. Oui, j'ai découvert en 2013. En 2013, peinture. D'accord. Et vous avez fait le choix de la peinture abstraite. Oui. Parce que j'avais besoin de me libérer d'esprit, de ne pas penser, de me laisser aller et du coup de ne pas réfléchir. Donc j'ai laissé la main faire ce qu'elle avait à faire. Oui, c'est vrai que la peinture, c'est comme d'autres canaux, hein, mais c'est un moyen d'expression. Hein, on exprime quelque chose quand on peint. Hein. Et vous faisiez quoi, vous faites quoi normalement dans la vraie vie? Alors à l'époque, j'étais dans le milieu médical, je travaillais à l'hôpital. D'accord, en milieu hospitalier, oui, d'accord. Et j'ai arrêté cette carrière-là. Je me suis reconvertie après dans un autre métier qui n'avait rien à voir. D'accord. Que j'ai arrêté aussi depuis. Oui. Et actuellement, voilà, je suis plus dans l'artistique. Actuellement, vous êtes plus dans l'artistique, oui. D'accord. Et c'est indiscret de vous demander quel métier vous avez fait après le milieu hospitalier? La vente. La vente, d'accord. Oui. Intéressant. Oui. D'accord. Et puis, mais ça vous a pas plu, donc... Si, c'était une expérience. C'était la vente dans l'habillement et les chaussures. Oui. Et ça m'a bien plu, mais ça ne me correspondait plus à un moment, donc j'ai décidé de passer à autre chose. Une autre recherche, quoi. Voilà. D'accord. Bon. Eh bien, super, ça se passe bien. Oui, hein, c'est une belle exposition, en tout cas. C'est une très, très belle exposition. On est très bien accueillis par la ville des Salines. Ouais. Ah oui. Très bien, eh ben on fait une première petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de l'émission. Clap along if you feel like a room without a roof. portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animée par Romain Marie. De retour dans l'émission Fadjet sur la deuxième partie de l'émission Portrait d'artiste. On poursuit avec donc Aline, Madeline et Françoise, les trois artistes qui, je rappelle, étaient présentes au Château d'Essai ou sont présentes par rapport au moment auquel vous écouterez cette émission au Château d'Essai pour une exposition qui est en cours. Donc les dates, c'est 6-7, donc ça fait ce week-end, et 13 et 14 décembre. De 14h à 18h. De 14h à 18h, donc ouvert à tout public. Entrée gratuite. Entrée. Alors, ce que je vous propose, c'est on poursuit, si vous voulez bien, est-ce que vous voulez bien décrire pour nos auditeurs vos univers d'expression respectifs. Madeline, vous voulez commencer ? Si vous voulez, là, on peut voir différentes périodes de style de mon univers pictural. En fait, il y a quelques années, c'était beaucoup d'écriture ou de peinture intuitive. Donc, je ne faisais pas de brouillon, je dessine direct sur la toile avec ce qui me passe par la tête, ce qui arrive dans mon esprit. Donc, on peut voir là-bas le triptyque là-bas, donc avec des personnages différents, beaucoup d'émotions. Donc, ça, c'est un manevé en fait, carrément, limite un manevé, d'accord. Direct, voilà. Ouais. Je dessine un oiseau, après, qu'est-ce qui me vient après ? La douleur, les flammes, voilà. Et ça donne une composition. Qui paraît très très joyeuse, vue rapidement, mais qui raconte beaucoup de choses assez douloureuses aussi. D'accord, vous aimez raconter, vous voulez passer un message dans vos créations, sur cette... Ça sort de moi, et effectivement, ça raconte aussi ma vie. Donc vous racontez des choses personnelles à travers vos œuvres. Ouais. Alors, elles sont suggérées, elles sont pas... Il faut passer un petit peu de temps dessus pour comprendre. Qu'effectivement, d'accord. Parce que d'extérieur, c'est très coloré, on a l'impression que c'est... C'est très joyeux. Voilà, c'est très joyeux. C'est vrai que de prime abord, c'est... Et qu'est-ce que vous exprimez, ou si vous voulez en parler? Eh bien, souvent, c'est des choses qu'il faut sortir de soi, donc c'est comme une thérapie, en fait. Hein. C'est tout ce qui est douloureux, tout ce qui est compliqué à traverser dans une vie, ben, il suffit de le coucher soit chez le psy, soit sur une toile, et puis... À ce point-là, d'accord. Oui, c'est quasi médical, oui. Ah, okay. C'est une bonne thérapie. Bonne thérapie, d'accord. Et puis, depuis quelques années, depuis le Covid, je suis passée sur une peinture plus décorative, alors tout autant colorée et qui semble aussi très joyeuse. C'était à la base, je cherchais à... Alors, c'est plus symétrique, là, oui, ce que vous très faites, symétrique, c'est... très cadré, très... je cherchais un tapis moldave pour décorer ma maison. Oui, voilà. Et j'avais programmé tout un parcours en Roumanie, un voyage en Roumanie pour aller chercher ce tapis moldave qui me faisait envie, qui coûtait trop cher ici, donc je voulais aller là-bas le chercher. Mmh. Et puis est arrivé le Covid et ce voyage a été annulé. Et donc pendant le Covid, je me suis dit, j'ai de la peinture, j'ai mes toiles, et je vais peindre un grand tapis moldave pour décorer ma maison. Mmh. Et puis je suis restée dans ce style-là. Donc vous êtes inspiré là globalement des motifs moldaves pour faire ces tableaux-là. Voilà. Et donc ça c'est ce que vous faites le plus récemment. Oui, c'est ça. Donc, je suis partie sur une série dans ce thème-là, mais qui évolue beaucoup. Mm-hmm. Quand on voit mon premier, effectivement c'est très c'est des couleurs assez neutres, et puis là ça devient de plus en plus flashy. J'adapte mon style aussi. D'accord, super, merci infiniment. Vous avez d'autres expositions prévues dans l'avenir ou au cours de l'année Au mois de mars, peut-être, avec l'association Artoucho sur Vendôme. D'accord, voilà. Super, suivre de près. Donc, merci. Prochaines expositions, bonne continuation à vous. Alors, ou la maman, ou Aline, la copine. Allez, Aline, à vous. Allez. Alors, vous avez un autre mode d'expression par rapport à Aline, par exemple. À Madeline. Madeline, pardon, oui. Il y a de quoi je vais y arriver. Moi, on voit que c'est en direct, comme ça, que c'est spontané. Y a quand même, pareil, la même base, c'est-à-dire se mettre devant et de libérer des choses. Émotions, quelque part. Ouais. Que je ne saurais pas forcément mettre en mots, justement. Mmh. Je pense que c'est vraiment quelque chose de plus primaire, qui vient de profond, conscient. Mmh. Et que du coup, je laisse ma main aller là où elle va, mm-hmm. sans réfléchir mm-hmm. Au résultat, en fait. D'accord. Voilà. Et dans l'idée aussi qu'il n'y a pas d'erreur, de faute, que on peut repasser le pinceau dessus et que c'est, ça peut être modifié à tout instant, enfin jusqu'au moment où on termine le tableau. Mm-hmm. Donc c'était aussi ça qui me plaisait, dans l'idée que... Il n'y avait pas d'erreur possible. D'accord, mais comment vous qualifierez alors ce que vous faites? Comment vous le définiriez? Vous appelleriez ça comment? C'est aussi une forme de thérapie. Hein. Alors, une oui. thérapie, d'accord, mais au niveau des émotions, par exemple, c'est... C'est libérateur. Libérateur, c'est... Voilà, oui, c'est oui, ça. C'est libérateur. Ça détend aussi. On ne pense à rien. On est juste là, dans l'instant présent. Mm-hmm. Et on arrête le mental. La tête, et on laisse le corps s'exprimer. Mmh. Vous, c'est un peu une invitation pour ceux qui contemplent ce que vous faites, de dire ben, un peu faites comme moi, libérez-vous. Il y a un peu de ça. Ah, c'est vrai qu'il y a un peu une invitation aussi. C'est vrai que c'est rigolo qu'on fasse ça avec Françoise et Madeleine Gianni, parce que donc je connais Madeleine depuis petite. Oui, oui, d'accord. Et j'étais toujours en admiration devant elle, qui savait super bien dessiner, oui, oui. et sa maman qui faisait des tableaux magnifiques. C'est vrai. Et je me disais, moi, j'ai rien de tout ça, je suis nulle en dessin, je sais pas. Pour moi, j'étais pas une artiste. Mmh, d'accord. Dans ma famille, on n'est pas du tout, contrairement à elle, du coup développé oui, de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a le et j'ai découvert, joue, donc, par hasard. Que je pouvais aussi faire quelque chose de mes mains. Créer, oui. Vous exprimer, et qu'en fait, tout le monde est capable de faire quelque chose. C'est juste qu'il faut enlever les barrières et le jugement, en fait. Mmh, tout et, à fait. Et la créativité, elle est en chacun de nous et que tout le monde est capable de faire quelque chose. De faire quelque chose, voilà. Ouais. Ouais. Il n'y a peut-être pas le même niveau de finition. Oui, de ou sur un autre médium, voilà, c'est pas forcément c'est la peinture, voilà, mais que chacun ouais. peut. S'exprimer. Vous avez raison, hein, l'expression artistique, les mots sont pas suffisants des fois pour vouloir permettre elles l'expression. Ils sont nécessaires, mais parfois c'est... S'ils sont pas suffisants, il faut un autre médium, la musique, la peinture, mais voilà. Donc c'est... Aline, c'est un univers très coloré, multiforme, très... très transportant, hein. Je pense que c'est un peu psychédélique en même temps. Oui, donc, pourquoi pas. C'est, enfin voilà, c'est... Bon. Et vous refaites une exposition après, là, au cours alors, de l'année peut-être 2026 en février 2026 à Bouxières-aux-Dames. À Bouxières-aux-Dames, ouais, d'accord. Donc aussi à suivre de près. Oui. Et puis après, les commandes sont possibles aussi. Les commandes sont possibles, ouais. Voilà. Je suis ouverte à tout. De toute façon, vos coordonnées seront indiquées. Oui. Ça marche. Bah, merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci. Merci. Et puis on va finir avec Françoise. J'aurais pas grand chose à rajouter. Si, oui, moi je travaille au coup de cœur. Je travaille d'après un modèle. Ah oui, donc. Une photo ou quelque chose de réel. Mais enfin, je ne reproduis pas une peinture. Ça sera toujours une photo. Ah, donc toi tu repeins d'après photo d'après un photo. Modèle, ouais. Donc, mais tu apportes quand même des éléments de contexte. Un choix par exemple, tu as reproduit le portrait d'une ancienne Miss France, MJ, voilà. Mm-hmm. Bon, elle est identifiable à 100%, hein. il n'y a pas de doute sur de qui il s'agit. Donc toi tu es dans un univers à contrario d'Aline ou même de ta fille finalement. C'est très figuratif, très représentatif. Voilà, puis je ne sais pas faire autrement de toute façon. Ouais. D'accord. Moi, il faut que ça soit nickel. Il y a un réalisme qui est surprenant parce que là, par exemple, on a donc une structure où il y a des personnages qui ressemblent à des objets en métal, en fait, petits personnages en métal. Mm. Et on a l'effet métallique qui est vraiment c'est présenté. C'est ça que j'aime bien. C'est ça. Tout ce qui est brillance, relief, enfin, c'est ça. Voilà, on a un effet relief qui est impressionnant, un jeu de lumière. Il y a une sacrée maîtrise, là, des ombres et lumières. J'essaye de reproduire vraiment 100% le modèle que j'ai devant moi. Donc ça, c'est la reproduction d'une structure D'accord. Donc, en même temps, on pourrait dire que ce qui caractérise ta production, c'est... une observation très fine. Ah voilà, c'est voilà. L'observation. L'observation. C'est l'observation. Ah, c'est... Mais je ne dessine pas, hein. Je peins tout de suite. Parce que tu peins. Ah, tu peins directement. Ah oui, oui. Bah, la preuve, hein, c'est que bah, j'arrive en haut. Ah oui, oui, oui. Terminer la tête. D'accord. Même celle-ci aussi, pareil. D'accord, donc tu ne fais pas de méthode de croisillon, de croquis. Ah, rien du tout. Ah non, ah, moi non. Je trouve que c'est de la tricherie pour moi. Ouais, ouais. Non, moi j'y arrive. Non, je peux pas. C'est une technique. Non, ça part. Ça... Je peux repasser plusieurs fois dessus. Hein. De toute façon, c'est jamais tout de suite. Le... Par exemple, les yeux, bah, des fois, ils vont être trop écartés, trop rapprochés. Mm-hmm. Je le vois. Ouais. Donc, je repasse dessus. Tu repasses dessus jusqu'à ce que je me rende compte que... Tu es toujours en face de ton sujet, de ton modèle. Oui. Et tu alignes, en quelque sorte. Tu adaptes au fur et à mesure jusqu'à ce que tu aies vraiment la fidélité de ce que tu as en face de toi. D'accord. Là, j'ai reproduit Madeleine, enfin ma fille, donc. Oui, oui, oui. Mais quand elle était un peu plus jeune, mais je lui ai mis du rouge à lèvres. C'est incroyable, hein. Ouais. Alors, elle avait mis un tutu sur la tête parce qu'elle était à l'époque un peu farfelue. Oui. Elle a mis une grande chemise. Et puis, j'aimais bien cette photo, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais la faire. Et puis voilà. Mmh. Ouais. D'accord. Mais je mets beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Ça, c'est. C'est pas en 5 minutes. Hein, oui, oui, mais surtout, toi, tu pars à l'huile. Hein, donc, ouais, c'est il y a des temps de séchage aussi. Oui, aussi, mais je préfère l'huile que l'acrylique. Hein. L'huile, au moins, on peut toujours estomper. Enfin, on attend un petit peu que ça sèche. Et puis, une fois que c'est pas tout à fait sec, mais donc on peut arranger les choses. C'est pas comme l'acrylique. Moi, L'acrylique, une fois sec, c'est moins, ben, facilement modifiable. Voilà. On passe dessus, mais oui. On peut pas reprendre, estomper. Là, c'est mon dernier tableau qui est... pas terminé. Oui. Donc là j'ai peut-être une centaine d'heures. Hein. C'est pas... Une centaine d'heures, oh, je pense. Oui, là, je commençais à craquer. Là. Ah oui, donc c'est peut-être pourquoi aussi on arrive à un réalisme aussi. Ouais. C'est une commande, c'est... là, c'est une photo qu'on m'a donnée. Voilà. D'accord, on va partir en Vendée. En Vendée, dans d'accord. La famille, ah oui, c'est dans la famille. Une notoriété nationale, François. Oui. Ah ben j'ai un tableau, deux ou trois tableaux en Sardaigne, et un en Allemagne. En Italie, d'accord, en Allemagne. En Allemagne, puis voilà. D'accord, donc François... C'est toujours pareil, c'est dans la famille. Hein. Artiste de dimension internationale. Hein. Est-ce que tu as d'autres expositions prévues au cours de l'année alors, à venir? Oui, alors janvier, ben, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Février, Plunois. Mmh. D'accord. Et puis je me suis inscrite à d'autres, mais je ne sais plus à qui. Je me suis inscrite à Dame Levière, je crois. Enfin, pour l'instant, je vois déjà. Donc, d'accord, donc pas mal de choses de prévues dès le premier trimestre 2026. Oui, bah, oui. Donc, à suivre Françoise Gagny, Madeleine Gagny et Aline Floquet. Merci infiniment pour votre participation à cette émission. Merci. Et à très bientôt.